nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un moindre mal, c'est tout ce que j'ai pu faire, ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire, disait Alain Cuny du théâtre, auquel il s'est pourtant consacré corps et âme, même si un don et un penchant naturel auraient pu le porter vers la peinture et l'architecture. À quoi peut tenir le bonheur d'entendre aujourd'hui les 5 entretiens, dont nous allons écouter le 4e, qu'accordait Alain Cuny à son ami Fernand Schulman sur France Culture en 1975. Sans doute, pour beaucoup, au français qu'il parlait. Une langue qui coulait de source, et pourtant toujours à la recherche du mot exact qui traduirait le plus fidèlement l'image, l'idée, l'émotion. Pour dire une vie d'homme tendue vers l'exorcisme du douloureux malheur de son enfance, il faut l'entendre parler de sa volonté de « renverser l'épouvantable vapeur délétère dans laquelle je suis venu au monde ». Dans le 4e volet de cette série, Alain Cuny, qui n'était pas un voyageur par nature, parlait de son amour du Japon, de son peuple et de sa culture. Il parlait de ses années au TNP, de ses rôles dans La ville de Claudel, dans Phèdre et dans Macbeth, évoquant avec une acidité narquoise l'attitude de Jean Villard à son égard et, comme le souvenir d'une déception, ses contacts avec Albert Camus. Entretien avec Alain Cuny, 4e partie, diffusé la première fois le 8 janvier 1976 sur France Culture. La cloche bouddhique qui répète inlassablement « Ré dièse, ré dièse, ré dièse, non, non, non » à toutes les amours et à toutes les vanités de ce monde. Alain Cuny s'entretient avec Fernand Schulman. 4e propos. Alain Cuny, tu nous as conté hier le singulier hasard qui fit de toi un comédien. Cette scène que tu donnes chez Dulin et qui, du jour au lendemain, te rend célèbre. Va me rendre. Tout va très vite, dès ce moment-là, comme jadis aux Beaux-Arts. En ce qui concerne le théâtre, c'est peut-être le moment d'évoquer les critiques qui ont parlé de toi. Et toujours, il faut le dire, sur le mode hyperbolique. Sans aller aussi loin que Artaud, qui, dans un horoscope qu'il a fait de ton thème, a écrit « Vous êtes fou par exigence, cette folie sera la vérité ou la mort ». Mauriac t'a entre autres qualifié d'acteur poétique au sens absolu. Claudel a dit « Il y a 20 ans que je vous attends. » Il a écrit ailleurs que tu étais une cathédrale vivante. À ton propos, Tardieu évoque une immense musique. Je veux dire par là que même si le théâtre n'a pas été ta vocation première, à partir du moment où tu t'y es inséré sur ton propre mode. Alors, quelles ont été les relations que tu as entretenues avec le théâtre à partir du moment où tu as décidé que ce serait ton métier ? Mais je n'ai pas décidé que ce serait mon métier. Je ne peux pas ne pas me dire que, dans une activité différente que celle du théâtre, j'aurais engagé la même force de perdition. Cette force de perdition, j'en parlais hier un peu à propos de cette scène passée chez Dulin, cette force de perdition, et qui se trouvait contradictoirement contenue dans un corps et dans un être jeune et très vigoureux que j'étais. Je pense que le théâtre a été un moindre mal pour moi. C'est tout ce que j'ai pu faire. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire. Mais étant engagé, étant enrôlé dans cette voie, je n'ai naturellement pas pensé une seconde sur scène Je ne pensais pas du tout que j'étais à côté du lieu où je voulais me situer, où je voulais me trouver, où je voulais agir. Maintenant, à l'âge où je suis parvenu, et je ne sais pas du tout par quels entrecroisements, par quels concours de circonstances, par quelle évolution, ou au contraire, simplement quel dévoilement d'un but parfaitement personnel et coïncident, il me semble, en tout cas j'en ai la sensation la plus irréfutable, je crois, le but poursuivi, que j'aurais dû poursuivre, et d'ailleurs vers lequel j'ai commencé à faire mes premiers pas d'enfant, d'adolescent, c'était la peinture, c'était l'architecture. Et si j'ai été si sensible au Japon, j'ai été sensible premièrement par l'aspect, par la réputation, le charme de ce pays. Et au début, c'est à cela que j'ai été sensible, au comportement des Japonais, à leurs vêtements classiques, à leur théâtre, au Japon traditionnel. Je me sentais infiniment mieux au Japon qu'en France. Je pouvais me dire que je respirais là-bas un air natal, que je ne trouve pas ici, où j'étouffe, où je suis mutilé, où je suis molesté, où je me crois, ou plutôt où je m'arrange, comme on dit, n'est-ce pas, dans le pays de mon berceau. Je m'arrange à retrouver mon berceau, même à mon âge, c'est-à-dire le malheur, dont je ne peux pas encore totalement me séparer, dont je ne peux pas totalement me défaire. Alors peut-être que cet énorme dépaysement me fait me dire que c'est là-bas que je respire un air natal. Mais je voulais, parlant du Japon, arriver à mes premiers désirs d'ordre professionnel, d'ordre d'activité, de sens que je pouvais donner à ma vie, indépendamment alors d'un sens d'ordre social dont on parlera peut-être tout à l'heure à propos de mai 68 et d'un monde évidemment que bien d'autres avant la plupart des hommes politiques ou des penseurs d'aujourd'hui a été prononcé, à savoir qu'il faut changer le monde et qu'il faut changer l'homme. Enfin, c'est ce qui est dans la bouche de toutes les concierges aujourd'hui, mais c'est peut-être bien, c'est d'abord breton. D'ailleurs, les gogos parisiens commencent à découvrir le surréalisme aujourd'hui. Ça donne la note de ce qu'est la vie intellectueuse. Et avant Breton, ou conjointement, en même temps que Breton, Huxley. Et Huxley, alors qui lui, et puis Freud, naturellement, et Huxley qui a eu cette phrase si simple, et qui recoupe d'ailleurs celle aussi de Freud, disant « l'enfant est le père de l'homme », Huxley disant « donnez-moi d'autres mères et je vous ferai d'autres enfants ». Bon, toujours est-il qu'au Japon, sur le plan artistique, dans la perspective qui m'était permise selon mes facultés, c'était donc l'architecture qui finalement m'a, je peux dire, pénétré. Pénétré, un homme pénétré, c'est une femme. Peut-être que je ne suis pas encore un homme et que je me laisse pénétrer de temps en temps, sûrement, puisque je me laisse ouvert au malheur. Mais j'ai donc été, si tu veux, pénétré là-bas, alors, par l'angle droit. Et l'angle droit japonais est l'angle droit déposé dans le monde. L'angle droit des angles droits est au Japon. Et il est au Japon partout, dans toutes les petites maisons traditionnelles. Et alors cet angle droit, que rien ne peut réduire, tellement il est extraordinairement l'angle droit, que ce soit l'angle droit des plafonds de bois, des petites maisons, l'angle droit des parois coulissantes, même peut-être l'angle droit des tatamis de paille, la géométrie est japonaise. Et Peut-être. Enfin, ça, c'est un petit peu un raisonnement plus intellectuel qu'une émotion éprouvée. Mais peut-être que cet angle droit, c'est un angle droit qui est fait avec du miel. Le bois est tendre. Mais c'est son dessin qui est inattaquable. Et alors, il est fragile, parce que tout est en bois et en papier, alors que chez nous, c'est de la pierre. Mais notre pierre n'a pas l'angle droit du bois japonais. C'est sûrement un des attraits majeurs du Japon, à mes yeux. Et toute l'architecture moderne, ça se sait, je ne sais pas si au Baos on l'a reconnu, mais sûrement. Et la bonne architecture moderne, n'est-ce pas, est inspirée de la maison traditionnelle japonaise. La maison traditionnelle japonaise, ainsi que les superstructures des grands navires, mais surtout cette architecture japonaise. Tu parles plutôt de la campagne japonaise. Oui, je croyais que tu haïssais les villes japonaises. Ah, je suis terrifié par le mode de comportement des gens dans les villes. Mais est-ce que Tokyo n'est pas la ville des villes? Tokyo, oui et non, mais on pourrait dire de Tokyo ce que je ne sais plus quel humoriste disait de Paris en formulant le souhait qu'il aurait voulu que Paris fût construit à la campagne. C'était Alphonse Allais. Eh bien, Tokyo est construit à la campagne. Tokyo rejoint Yokohama, c'est un fragment énorme du Japon, c'est immense, c'est la plus grande ville du monde, c'est un port, et puis c'est aussi la campagne. Et il y a en plein Tokyo, il y a encore des petites rues très étroites qui ne sont bordées que de maisons à jardinets de pierre et petits arbustes. Je sais bien qu'on peut rétorquer que cet angle droit n'est pas la synthèse, ne serait pas le symbole de l'architecture japonaise, puisque les toitures des temples, au contraire, sont comme des ailes. Mais ça n'atteint pas l'autre architecture. Tu es déjà allé 5 ou 6 fois au Japon, n'est-ce pas ? Oui. Et bien que ne comprenant ni l'anglais ni le japonais, je me suis baladé dans les îles de la mer intérieure, dans des petits villages, je prenais le train et toujours trouvant quelqu'un pour me conduire, pour m'aider à me loger, pour me diriger. Ce sont moins les voyages que le Japon, parce que les voyages ne t'ont pas beaucoup concerné au cours de ta vie. Je crois que la campagne a joué, la nature a joué un grand rôle pour toi, mais le dépaysement à proprement parler, qui est en somme une des définitions du voyage, ne t'a guère touché. C'est-à-dire que le Japon n'a été qu'un dépaysement ou des retrouvailles, ou les retrouvailles d'un pays qui était le tien. Je n'ai en effet jamais pris l'initiative, ça n'a jamais été une décision personnelle de partir en voyage pour moi. Je ne suis parti que dans l'obligation de le faire. Il n'y a pas un lieu du monde où je sois allé parce que je désirais y aller. Même au Gabon, quand tu as tourné ce film de Pierre Morel. Oui. Je me rendais compte de l'immensité de la Terre, de sa diversité, des proportions nouvelles. Les arbres du Gabon, immenses, entre les racines desquelles on peut construire des petites maisons. La forêt équatoriale, le volume d'eau. Des fleuves, au milieu desquels s'élèvent des rochers bizarres qui ne sont que les échines d'hippopotames qui viennent là pour la nuit, bien sûr. Mais en fait, je ne souhaitais que d'être sédentaire, de ne pas bouger et de ne parcourir, creuser éventuellement, qu'une seule ambition. Celle, eh bien, qui reste la mienne, c'est-à-dire, comme le dit Montaigne ou Rabelais, je ne sais plus, d'être dûment un homme. Et serais-je casseur de cailloux, si j'y parviens, j'aurais gagné, j'aurais renversé l'épouvantable vapeur délétère dans laquelle je suis venu au monde. Et je m'amuse quelquefois à à paraphraser Pascal quand il dit qu'une vie est belle qui commence par l'amour et qui finit par l'ambition. Ma formule à moi est haute, je dis qu'une vie est belle qui commence par la douleur et qui finit par le courage. Pour en revenir au théâtre, tu t'es relativement enraciné au TNP. Je veux dire, tu as connu l'expérience du TNP dès ses débuts. Oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait partie, il est vrai, du premier festival d'Avignon. Tu as enseigné d'ailleurs. Alors, au TNP, pendant 2 ou 3 ans, les garçons et les filles du cours du Lin sont venus passer des scènes pour que je les conseille. Enfin, oui, j'ai été, si tu veux, oui, j'ai été à cette école. Et j'ai eu tort d'en sortir. Ils souhaitaient beaucoup que je reste sans me prendre pour Socrate. Souvent, je parvenais rapidement à faire coïncider ces jeunes garçons et ces jeunes filles avec ce qu'ils ignoraient d'eux-mêmes et que je connaissais. Et que je connaissais tout simplement parce que moi, j'avais opéré sur moi-même ces césariennes. Et j'avais un vague pouvoir maïeutique. Je suscitais une affection qui était inscrite pleinement dans l'exercice même de la prise à leur compte des textes qu'ils se chargeaient de faire entendre. C'est la seule fois de ta vie où tu as enseigné ou tu as enseigné autrefois? Non. Tu aimais cela? Il semble que oui. Oui, j'aimais cela. Mais je vivais à cette époque-là avec une femme qui redoutait que je me fasse aimer de tous ces jeunes gens. Et alors, qui, je ne sais plus par quel procédé, enfin, m'a... T'as écarté? Oui. Et écarté du TNP du même coup? Non, ou non, non, non, non, seulement non, non, non, non, non, de l'école. Parce qu'au TNP, tu es resté tout de même beaucoup plus longtemps et tu y as fait un certain nombre de créations. Au TNP, oui, Jean Villard m'a demandé d'entrer au TNP au moment où il a décidé, je crois en partie influencé dans cette décision par Camus et par Maria Cazares. Enfin, toujours est-il qu'il a décidé de monter une des pièces les plus difficiles et réputées injouables, comme l'était Tête d'or. Tête d'or encore plus, c'était la pièce par excellence, inatteignable. Enfin, il avait donc décidé de monter La Ville. Et pour La Ville, il m'a engagé au TNP. Enfin, tout à fait, au premier festival d'Avignon, j'avais fait partie de la distribution de Toby et Sarah de Claudel, mais ça n'avait été que pour Avignon. Tandis que La Ville, la création devait avoir lieu à Strasbourg, mais pour être jouée régulièrement au Palais de Chaillot. Et au moment où il a décidé de monter La Ville, Macbeth était au programme du TNP, et Macbeth était interprété par Villard. Mais par élégance, pour être noble, peut-être, noblesse d'ailleurs intermittente, mais il m'a dit, du moment que tu es ici, et puisqu'on joue Macbeth revient de droit, et j'ai donc repris le rôle de Macbeth derrière lui, alors que je l'avais déjà joué beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, avec Marguerite Jamois, où j'avais d'ailleurs aussi remplacé quelqu'un qui était Pierre Renoir. Pierre Renoir, oui. J'ai donc alors repris le rôle de Macbeth, oui, au TNP, tout en préparant La Ville. La Ville a été donnée, a suscité presque un engouement, enfin une estime de la part d'une grande fraction du public. Oui, oui, oui. Je crois que c'était un spectacle accessible à n'importe qui. comme tout Claudel. Néanmoins, ça n'a pas été joué très très longtemps. Et après la ville, alors pour rester au TNP, il y a eu Phèdre, Thésée. Et le succès de Phèdre, enfin le mien, c'est ainsi, a été l'élément déterminant, frappant de la représentation. C'est vrai, tout simplement parce que je me suis attaché à ne rien éliminer de l'Alexandrin. Et ceux qui veulent le rendre anecdotique, par exemple, ce ne sont pas des Français. Ce sont des traîtres à la langue. Alors qu'il est si simple, de l'employer. Alors le succès était très grand, et même si grand, enfin là ce sont des petites mesquineries, des petites susceptibilités de coulisses, mais enfin le succès a été si grand que... Aussitôt, Villard m'a dit, tu sais, je ne vois pas du tout dans l'avenir ce que je pourrais bien te confier. Il n'y a rien pour le moment dans ce que j'envisage de faire. Il m'a demandé de partir. Ton succès lui a fait immédiatement. Peur. Enfin, je ne sais pas comment analyser ça, mais je ne dis pas ça au hasard. Et pour fortifier cette affirmation, enfin, c'est pas une récrimination, je voudrais tant n'être qu'au niveau d'un bilan. Mais toujours est-il que peu de temps auparavant, le TNP était parti en tournée et Macbeth était au programme. Il partait pour l'Amérique du Sud et Maria, bien entendu, était Lady Macbeth. Et un jour, Villard a dit à Maria, ce n'est pas Alain qui jouera Macbeth, c'est moi. Alors que, sur la scène du TNP, déjà depuis plusieurs mois, j'étais Macbeth, qui m'avait généreusement octroyé. Cédé, oui, c'est ça. Et Maria lui a dit, mais non, vous savez bien ce qu'Alain est dans Macbeth, c'est lui qui doit jouer Macbeth, entendez. Et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, pas du tout pour des raisons d'économie, il n'avait pas à me payer davantage, les tournées étaient comprises dans les frais généraux de l'année du TNP de Chaillot. Il n'a pas voulu parce que il n'a pas voulu en effet que le succès de Macbeth soit obtenu sans lui qu'il avait joué quelques mois auparavant. Bon, je veux dire que mon départ du TNP est donc dû à une réaction de cette nature-là. Mais ça n'a aucune importance. Et tes relations avec Camus étaient antérieures à Macbeth ? Oui. Je rencontrais Camus plusieurs fois dans l'atelier de Balthus. Plusieurs fois, nous sommes allés voir, Camus et moi, les tableaux de Balthus, mais j'étais très jeune. Vous étiez sur la même longueur d'onde, j'entends... Cela passait, la communication était bonne entre toi et Camus ou... Peut-être pas. Je me souviens lui avoir fait rencontrer la Forgue. Oui. Nous avions déjeuné tous les trois, la Forgue, Camus et moi. Et Camus s'était montré réfractaire, s'était montré... un peu hargneux, un peu moqueur, un peu ironique, narquois, ricanant au cours de ce déjeuner, alors que la Forgue, bien sûr, était un psychanalyste et la psychanalyse envahissait la vie de la Forgue. Il était partout un psychanalyste et ils sont partout des psychanalystes, n'est-ce pas ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un vicomte raconte à un autre vicomte ? Des histoires de vicomtes. C'était le 4e des 5 entretiens avec Alain Cuny au micro de Fernand Schulman, diffusé la première fois le 8 janvier 1976 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.